outside. Mais la peur, elle guette, passe son temps à la fenêtre, entre les murs de son enclos. Tu ne vois pas qu'elle est claustro, tu causes trop de tes mal-être. Tes péchés et tes prêtres, en manque d'être, on veut la voir. Et à te voir, tu es presse, entre la folie de ton âme et l'utopie de ton arme. Tu as creusé jusqu'à couper la dernière racine de ton arbre. Tous ces cris de douleur, d'une France en couleur, qui voit le futur dans le corps, encore le passé dans le cœur. Chorégraphie de souffrance, agressive et douce France. C'est toi qui me parlais respect, et à la paix on s'attachait. Toutes vos idées de race pure, et Marianne suit son père. La parenté d'une peur, agrémentée de peine et agressée de haine. Entre la violence et l'horreur, la hantise de cette France qui respire toutes les couleurs et qui n'a pas peur de l'islam. Qui ne voit pas un étranger, juste un frère et un sourire. Mais pourquoi tu veux l'étrangler? Je leur redoute tous ces cafards et toutes ces putes qui parenthèse en parenthèse qui nous baissent. N'est pas la chienne qui tient la laisse. On a la prison comme décor et la trahison de vos cœurs. Et toi qui voulais du hardcore, j'ai pas eu besoin de vos fraudeurs. Juste être seul avec moi-même et toi qui craches sur Mahomet. Paroles datées, tu es une merde, au fond t'as peur de Mohamed. Je leur redoute plus que les doutes, tous ces cafards occupent les planches. Et Marianne passe de belle à planche, car aussi pâle que cette France. Cette France. Cette France ne soutient plus le droit, elle croit fort dans le JT. Cette France qui connaissait le choix, qui s'est permis de le jeter. Cette chance que l'on m'a rabâché durant tant d'années de ma vie. Mais ceux-là n'ont pas eu de chance et on s'est vu bien trop joli. On s'est trop surestimé, ça faisait plaisir à Marianne. T'arrêtais pas de lui expliquer que c'est la plus belle de toutes les dames. Cette jolie blonde aux yeux bleus qui a le drapeau sur le cœur, mais qui chante qu'un son impur et le sillonnera le cœur. Cette Marianne c'est pas la mienne, pourtant elle ressemble à ma mère. Cette peau si pâle c'est bien la tienne et dans la mienne je vois la terre. Et tous mes frères de couleur avec joie ou douleur, avec la haine sur le corps, autant de paix sur le cœur, avec l'horreur comme sort, avec la mort comme sœur, avec le rêve que tous ces porcs ne le feront plus jamais peur, avec la joie dans les yeux et mieux les yeux dans la foi, avec la foi dans les cieux et Dieu pour ceux dans la joie. Je leur redoute tous ces cafards et toutes ces putes qui parenthèse en parenthèse qui nous baissent. N'est pas la chienne qui tient la laisse. On a la prison comme décor et la trahison de vos cœurs. Et toi qui voulais du hardcore, j'ai pas eu besoin de vos fraudeurs. Juste être seul avec moi-même et toi qui craches sur Mahomet. Paroles datées, tu es une merde, au fond t'as peur de Mohamed. Je leur redoute plus que les doutes, tous ces cafards occupent les planches. Et Marianne passe de belle à planche, car aussi pâle que cette France. Cette France. Je leur redoute tous ces cafards et toutes ces putes qui parenthèse en parenthèse qui nous baissent. N'est pas la chienne qui tient la laisse. On a la prison comme décor et la trahison de vos cœurs. Et toi qui voulais du hardcore, j'ai pas eu besoin de vos fraudeurs. Juste être seul avec moi-même et toi qui craches sur Mahomet. Paroles datées, tu es une merde, au fond t'as peur de Mohamed. Je leur redoute plus que les doutes, tous ces cafards occupent les planches. Et Marianne passe de belle à planche, car aussi pâle que cette France. Cette France.